maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Big Flo et Oli. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Big Flo et Oli, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Ils sont là, ils sont arrivés de Toulouse en pleine forme, messieurs, enfin, Big Flo et Oli. On a fait des heures de calèche pour venir. Ouais. Ils sont partis il y a 15 jours. C'est ça, on a pris de la barbe et tout, on a grandi même depuis. Mais je crois qu'il y en a un des deux d'ailleurs qui a fêté son anniversaire, c'était hier. Oli, 19 ans. Oli, 19 piges. Ça y est, bon anniversaire. Et le grand frère, oui, on peut applaudir. Bravo, bon anniversaire. Merci les gars, merci. Et le grand frangin, 22. 22 exactement. 22, 19. Le grand petit frère, comme je l'appelle. L'éternel, la relève du rap français. On espère. On espère, on croise les doigts, c'est bien parti. En tout cas, beaucoup de messages, beaucoup de réactions. On va parler d'un projet qui sortira. Dans assez longtemps, dans un mois et demi. Mais on est déjà là pour en parler, on est chaud. Bah c'est vrai qu'en même temps il faut du temps pour monter donc. Ouais, voilà, c'est ça, on fait monter la pression là. Bienvenue à vous. Ça nous fait plaisir d'être ici. C'était un rêve de venir ici, de faire notre Planet Rap, donc on est très content. Merci Fredo. Et bah c'est un rêve de vous recevoir aussi. Oh. Eh oui. Et pour mieux faire connaissance avec Big Flo et Oli dans Planet. Pourtant, j'ai répété tout le week-end. Hein. Avec Big Flo et Oli, petit medley de cet album qui sortira dans un mois et demi. Non, c'est début juin. C'est ça, Total Exclu. Le premier, ça arrive. Allez, c'est parti. Planet Rap. L'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec Big Flo et Oli sur Skyrock. J'ai du mal à me faire à l'idée que la fin des boules, faut que tu saches. J'entends des voix dans mon lit sur la nuit qui me disent Biggie, non, faut pas que tu lâches. Je donnerai de mon temps, de ma voix et des milliers, des lignes, des millions de phrases. Et puis je les entends qui débitent des conneries à longueur de temps, elles ont pas passé l'âge. Ils font semblant de pas nous entendre, semblant de pas nous voir. Mais les petits ont grandi dans le noir, on vient prendre le pouvoir. Depuis longtemps, on attend, chaque jour, on apprend. On veut rentrer dans la cour des grands. Le bouchon, on rame, on râle, on rage dans le bouchon. Le bouchon, on roule, on tourne, on douce dans le bouchon. Planet Rap, on vous aura compris. Si c'est un jeu, elle triche. L'histoire que je vais vous raconter est si triste, c'est dingue. On quittera tout ce monde un jour et on le sait bien. Un instant, une seconde et d'un coup, Planet Rap. Les tards dans les bois, tous les bars, pour ceux qui pleurent le soir, tout seul dans le noir. Parce que si ton bateau coule, moi je t'apporte une voile. Parce que j'ai promis à mon frère qu'on toucherait les étoiles. Planet Rap. Maman, comment c'est dehors? L'amour fort que nous portons. Je suis ni vivant ni mort, mais je sens. Planet Rap. Nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez-les. Nous aussi on peut le faire. Parlez de Planet Rap. J'ai pas grand chose dans les poches, à part mes mains, mais c'est déjà bien. J'ai de quoi écrire des refrains. Et pour mes proches, on verra bien demain. Planet Rap. C'est pas du rap, c'est de la musique. C'est pas du rap, c'est de la musique. Monsieur tout le monde, j'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre. Le Planet Rap avec Big Flo et Oli, donc un album qui sortira au mois de juin. Exact, c'était de la Total Exclu là pour ce Total Exclu avec un petit medley. On va quand même découvrir cette semaine des morceaux inédits. Ouais, on a réservé plein de surprises, des inédits, des freestyles. On a gratté là pendant longtemps pour faire ça pour toi. Pour tous ceux qui nous connaissent, tweetez avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Ouais, allez-y, c'est parti. Big Flo et Oli sur Skyrock. On voit tous les messages, on lit tout, on est chaud. Pour ceux qui nous connaissent pas, allez voir sur Facebook, YouTube, sur notre Twitter aussi. Big Flo et Oli. Voilà. Même pas besoin, on va faire connaissance avec vous les gars toute la semaine. Exact. Entre 20 et 21, juste avant justement de faire connaissance avec vous, on va lancer un petit concours, puisque tout à l'heure vous nous ferez un live. Exactement. Alors voilà, mode freestyle, vraiment freestyle. On va faire un live un peu exceptionnel aujourd'hui. On va faire un live qu'on va écrire en live dans l'émission avec vos mots. Alors on va vous demander d'envoyer des mots avec grosso modo pendant 15-16 minutes. Ouais, voilà. Vous balancez des mots pour Big Flo et Oli, vous allez en choisir quoi? Une dizaine? Ouais, on va en choisir une dizaine. Une dizaine par là, ensuite on fait notre tambouille et on balance ça juste après. Vous nous les mettez en commentaire de notre dernière publi sur Facebook ou alors vous le rajoutez avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Allez-y, envoyez-nous des mots bizarres. Un seul mot, ouais. T'as capté mon frère comme c'est le gros geek du groupe. Il va dire ça toute la semaine, il est très chaud pour ça. Moi j'adore c'est ça. Un geek. Non, mais comme ça, ensuite on lira, on en choisira 10. Mec, est connecté, il a son ordi devant lui et tout. Il a le téléphone, l'ordi, t'as tout. C'est ça, je suis Mister Internet. Et bah allez-y, tiens, on commence à nous balancer baston. Je sais pas si vous le choisirez, mais en tout cas, il y a 10 mots qui sont. Je peux en choisir un ou pas? Oui, bien sûr. Justement. Mais je vois dans ton regard que tu vas dire un truc super dur pour la rime. Ouais. Le salaud. Allez, tu choisis le premier mot, Fred. Hippopotame. Oh, ok. Je le note. Me demandez pas pourquoi, ça m'est venu, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est du lourd. Allez-y, vous balancez vous aussi votre proposition. Allez-y. 41759, le hashtag. Flingue, tortue. Pokémon. Ordi, Pokémon. Parapluie. Picassiette. Ça va trop vite. Allez dans le dictionnaire, cherchez des mots bien tordus. Allez-y, balancez avec le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Alors, petite présentation, donc vous êtes frangin. Ouais, exactement. Le rap, c'est quoi la claque qui vous a fait plonger dedans? Mais nous, justement, c'est en écoutant la radio. Ouais, on s'est pris une grosse claque. Hein. À l'époque, c'était Sully Céphile et ensuite IAM. Mm-hmm. On s'est pris une claque et on s'est dit waouh, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Parce que nous, on écrivait déjà beaucoup de poèmes, beaucoup de sortes de slam, des trucs comme ça. Mais on connaissait pas le rap vu qu'on avait pas de grands frères. Et un jour, on a allumé la radio en rentrant de l'école et tout. On est tombé sur Sky et on est tombé sur du son. Et là, bim, on s'est mis à écrire. Et ah ouais, vraiment, ça a été le déclencheur. Ouais, voilà, c'était vraiment par hasard. Mais au final, ça réunissait un peu tous nos univers vu qu'on a fait le conservatoire. Ouais. Moi, j'ai fait de la batterie. Mais justement, moi, les premières vidéos que j'ai vues, c'est ça. Il y avait des instruments En live, on utilise beaucoup d'instruments. Et même sur l'album La Cour des Grands qui sort le 1er juin, il y aura pas mal de. Enfin, on a tout composé. On a joué nous-mêmes le piano. Oli a sorti la trompette à des moments. Voilà, moi j'ai composé des beats et tout ça. À partir de là, on a fait nos instrus, on a commencé à écrire et on était parti. Big Flo et Oli, les deux frangins. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà, je sais pas, qu'est-ce qui fait que. Bah vous sentez qu'il y a peut-être une possibilité d'en faire au moins de passer de la passion à un métier. En fait, au début, il y avait pas grand-chose. On faisait des petits concerts. On t'avait même envoyé des mails à l'époque et tu nous répondais. Je me souviens de ça. C'est vrai, cool. Des mails, etc. Déjà, je me souviens très bien de vous, les gars. Non, tu nous suis depuis très longtemps. Et en fait, on a fait les Rap Contenders. C'est une ligue de clash qui a pas mal fait de bruit sur Internet. Et ensuite, on a sorti un premier clip un mois après qui a fait des centaines. Aujourd'hui, il est à 1 million et quelques de vues. Ouais. Et tous nos clips, ensuite, on fait à peu près le million de vues. Donc ça nous a un peu dépassé et on s'est retrouvé avec plein de gens super sympas sur notre page Facebook, sur notre Twitter. Et on a commencé à faire des concerts aussi super importants. Ouais. On a fait plein de concerts un peu partout et c'était parti. On vit un rêve là depuis quelques années. Et ensuite, on a signé dans une maison de disques qui sont arrivés avec les vues, etc. Et ça nous a permis de faire un album. Donc une étape supplémentaire. Voilà, exactement. Avec la sortie maintenant le 1er juin du premier album. Il y a eu un EP qui est sorti il y a un an. Un an, presque jour pour jour, je crois qu'on va le fêter d'ailleurs. Exactement, un an. Un an tout pile, et donc l'album qui arrive dans un mois et demi. Voilà, c'est la grande étape. Il est déjà disponible en précommande si vous voulez le choper. D'ailleurs, je crois qu'on a des titres qu'on précommande. On peut y aller. Il y a des titres régulièrement. Il y a l'album carrément qui est en précommande. Il y a déjà pas mal de gens qui l'ont chopé. Vous pouvez aller le choper sur iTunes. Il y a des titres offerts et tout. On est assez généreux pour ça. On est du sud, hein, tu connais. Ensuite, il y a une réduction en ce moment. Si vous le précommandez, c'est 2€ moins cher. Vous apprenez vite, les gars. Vous apprenez vite. C'est Monsieur Geek. Monsieur Geek encore. Non, je rigole. Vous apprenez très vite, les gars. C'est une grande étape pour nous, c'est vrai. Voilà, le Planète Rap aussi, c'est une autre étape. C'est des petits trucs comme ça. On a fait le before du grand journal sur Canal+. On fait plein de trucs cool et on est super heureux. Vous étiez venu aussi dans le Planète Rap avec Orelsan. Exact. Le poteau Orelsan nous avait invité. Super souvenir. Il y avait une ambiance de fou. Ouais. On va remettre ça cette semaine, je pense, avec des gros freestyles. Là, ça va être cool. Et comme vous venez de Toulouse, il y a eu aussi une scène rap à Toulouse. Je pense à KDD par exemple, qui était là. C'est des gens qui vous ont marqué ou peut-être un peu trop vieux pour vous? On a quand même marqué. On a beaucoup écouté Dadou, on a beaucoup écouté Doncho. Doncho de la FF qui venait de Toulouse lui aussi. D'ailleurs, justement, on l'annonce demain dans les studios. Il y aura Dadou, Doncho, 7 et match, demi-portion. Et des potes aussi de Toulouse qui seront là. Billy Bats et des gommes. Le sud et Yawawad aussi. Gros big up à toi, Wawad. Wawad aussi, qui est là ce soir. J'allais venir. On va présenter celui qui a pris le micro aussi, qui le présente d'ailleurs de vous, de Big Flo. Allez, Oli. Allez, je vais le présenter. Wawad, qu'on ne voit pas à la radio, bien sûr, calvitier. Non, je déconne. On peut mettre les images en même temps sur l'appli, sur Skyrock FM, allez-y. Ouais, allez le voir, il est beau gosse, allez le voir. Arrête. Non, en fait, c'est le champion de France de beatbox. Voilà, champion de France. Champion du monde même, allez. Allez, bientôt. Dans un mois. Dans un mois, il fait le championnat du monde. Dans un mois, ouais. Mais on l'a connu assez jeune en fait, et on freestylait ensemble, on a passé des soirées. T'es Toulouse aussi ? Toulousain aussi, ouais. Toulousain, on a passé plein de soirées ensemble, on freestylait des soirées hip-hop et le voilà avec alors, nous. Qui tient mieux l'alcool que l'autre ? Mais t'es pas tombé sur les bons, personne ne boit pas d'alcool, on boit pas d'alcool nous. Et bah ça va commencer cette semaine, c'est très bien. Il est fort. Et bah bienvenue à toi en tout cas, bienvenue yes, à merci vous. Merci beaucoup. Big Flo et Oli, on va d'ailleurs en parler un petit peu aussi. Pourquoi vous l'avez invité ? Parce que je pense qu'il y aura du live aussi. Il va faire une petite démo tout à l'heure, hein, yes. Il va nous montrer un peu, vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire avec sa bouche. Merci. Et on débute avec un morceau comme d'hab. Ouais, on a sorti le clip il y a 2 semaines, il est déjà. On fait les 600 millions. 000 vues. Non, 600 000 vues. Celui-là, 6 millions. Faut toujours dire. Non, celui-là, il est. 10 millions. Il est sorti il y a 2 semaines, il a fait 600 000 vues déjà. Allez le voir si vous ne connaissez pas. Il s'appelle Comme d'hab. C'est voilà, le single de l'album. C'est le deuxième extrait. Et dites-nous s'il vous plaît, avec le hashtag BigFloOli sur Skyrock, dites-nous sur la page Facebook aussi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce morceau pour ceux qui le connaissent. Et c'est un bon délire pas. Qu'on a fait un soir tous les deux. On a voulu résumer toutes les soirées un peu pourries qu'on peut passer. Parce que souvent dans les clips et dans les films, c'est des soirées de ouf avec des meufs à poil et tout, etc. Alors que nous, on les a jamais vus, les meufs à poil, dans nos soirées, malheureusement. Et commencez à travailler votre freestyle, parce que tu en parlais de meufs à poil. Il y a un message, il y a un mot qui est arrivé qui va très bien, c'est péripatéticienne. Ah, donc, okay, je le note. Note-le, celui-ci avec hippopotame, ça va aller super bien. Continuez à envoyer vos mots, hein, les gars. 41759, le hashtag BigFlo et Oli. Et comme d'hab pour débuter. Comme d'hab, je sais pas vous, mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, on s'en souviendra. Okay. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est comme faudrait ça. Faudrait que je me bouge, mais de toute manière, y'a plus d'heures. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Y'a le pote condamné qui sortira en douce. Le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple, je les appelle tous. Comme d'hab, on sort en ville, besoin d'air libre. Notre soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari. On klaxonne des touristes, me demande où passe la nuit. Comme d'hab, on veut aller au ciné, car l'heure défile. Mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. On est bien sur notre banc, rien faire c'est épuisant. Comme d'hab, ça part en débat. Je te jure, Michael Jackson est vivant. Après 2-3 verres, mon pote maigrit, on veut se taper. Il se pense musclé, comme d'hab, on va devoir le rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant, j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de rire. Retire des gueules d'enterrement, on quitte notre vie. Comme ça, promis, on fera notre comeback. Pour l'instant, on profite d'art en ville entre amis. Attends, comme d'hab, soirée de merde. Attends, soirée de merde. Nos embrouilles, nos galères. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la merde, c'est sûr. Comme d'hab. C'est pas vous mais moi, comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et c'était comme moi, à chaque fois c'est comme ça. C'est une photo, un polo, je pars en mission. Après un texto, un poteau, une proposition. Y'a une soirée chez lui, est-ce que tu viens avec moi? Rendez-vous à 20h, arrivé à 23. Comme d'hab, je peux me caler, j'arrive emballé. Mais je fais la bise pendant une heure avant de m'installer. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? On exagère sa vie, on ment, le temps passe vite, c'est affolant. T'as pas changé, t'es comme avant. On réserve les chambres comme dans un hôtel. La course du fond de la classe est devenue top model. Personne se lance, plus d'alcool que d'ambiance. Comme d'hab, aucun mec sur la piste de danse. Comme d'hab, les filles vont aux toilettes par paquet 12. Comme d'hab, les plus bonnes sont déjà en couple. Y'a plus de bus, le métro est fermé. Toutes les voitures sont déjà au complet. Putain, le taxi c'est vraiment pas donné. T'as pas une trottinette. En partant, je croise un type qui vomit et t'allais par terre. Il me dit: vas-y, Big Flo, fais-moi un petit rap, frère. À toutes nos soirées de merde. À toutes nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. Nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la merde, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. À toutes nos soirées de merde. L'album arrive. C'est pas vous mais moi, comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est tu comme ça. Tu m'avais dit sans, on est sainte. Comme d'hab. Personne n'a pris les enceintes. Comme d'hab. On se fait des pâtes, franchement j'ai faim. Comme d'hab. Y'a un moment qui se sent pas bien. Comme d'hab. Pour ton mat, la paire de seins. Comme d'hab. La fête est naze mais elle lui dit rien. Comme d'hab. Viens, on veut fumer le chien. Comme d'hab. Et les gars, on fait un scrabble. À toutes nos soirées de merde. Y aura du vomi pas de meuf. Nos embrouilles, nos galères. Que des vomi pas de meuf. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme comme d'hab. Big Flo et Oli, ça sortira le 1er juin, la Cour des Grands. Yes, yes, yes. La Cour des Grands. Et justement, c'est le nom du morceau qu'on veut te faire là en fait. On voudrait te faire une petite exclue. C'est l'intro de l'album qui s'appelle La Cour des Grands. On va te le faire dans l'émission. Ouais, on a décidé de le faire en live. Vous voulez le faire maintenant? Ouais, grave. On est chaud, on est chaud. Moi, je préférais qu'on choisisse les mots pour avoir le temps d'écrire et tout ça, non? Comme tu veux, Flo. Mais t'auras la pub, t'inquiète pas, tout va d'accord, bien. D'accord, ok. Donc, c'est le plus tendu des deux, j'ai capté qui c'est. Hein. Ah ouais, c'est le grand frère en fait. Hein. C'est lui qui tient le truc. C'est moi qui ai les responsabilités, c'est pour ça. Tu lui mettais des tarnioles un peu ou pas au frangin? Ouais, un petit peu, il faut bien pour les petits frères, voilà. Tous les grands frères. On doit dire la vérité, c'est quoi la vérité? Je sais pas, on va dire un peu d'égalité. Les deux. Vous êtes deux dans la famille? Il n'y a pas une petite sœur, un petit frère en plus? Comme on dit toujours, si on avait une petite sœur, je pense qu'elle chanterait les refrains. Et si on avait un petit frère, il serait au platine ou quoi, mais on fait tout en famille. Et la musique, vous avez commencé quand? Parce que c'est vrai qu'on parlait du conservatoire tout à l'heure, mais c'est arrivé. C'est dû à quoi d'ailleurs? Parce que dans la famille, il y a des musiciens. Le papa est chanteur de salsa, un latino argentin. Voilà, il nous a un peu donné l'amour de la musique. Et on écrivait depuis vraiment longtemps. Il y a des vidéos dossiers de moi à 6 ans en train de rapper des trucs. Oui. Je rappe jusqu'au soleil, nanani, ma grand-mère. Enfin, je rappais des trucs déjà, j'avais déjà la on motivation. On peut les trouver ces vidéos? Ouais, il y en a sur YouTube pour ceux qui cherchent bien. Il y a certains dossiers sur YouTube d'ailleurs, il va falloir qu'on essaie de les enlever. Mais... Non, laissez-nous passer d'abord. Le mec qui assume pas, tu sais. Donc voilà, ça a commencé tôt en fait l'écriture alors. Ouais, très tôt, très jeune, toujours à deux. Et après, on a sorti nos premiers clips et voilà, nous voilà ici. Hein. C'est vraiment cool. Bah écoute, tant mieux. Ça fait du bien aussi. Il y a plein de messages justement qui disent ça donne un petit coup de frais, ça fait du bien. Pour Big Merci, Flo. Merci, ouais, on voit qu'il y a beaucoup de messages, ça fait plaisir là, ça s'arrête pas. En tout cas, il y a des centaines de mots, des milliers de mots qui ont débarqué, on va les choisir dans un instant. Ouais. Juste avant, vous êtes prêts? On est prêts. Ok. Allez, on peut attaquer. Saluez votre DJ qu'on n'a pas salué aussi. Ouais, DJ Dencho, platine, faites du bruit pour DJ Dencho. Yes. Ouais. On a décidé de vous faire un petit cadeau, on va vous rappeler. Donc ça, c'est un titre inédit. Voilà, inédit, personne ne l'a jamais entendu. On vous le rappe en direct, c'est l'intro de l'album. Il s'appelle La Cour des Grands. C'est parti. C'est ça. Vous n'avez plus le trac. C'est l'histoire de deux frères. C'est l'histoire de deux frères qui écrivent dans leur chambre, qui sont tombés dans le rap par hasard et qui tentent leur chance, qui sentent les rouages qui s'enclenchent, les anciens rois qui flanchent. Il est grand temps que les temps changent, c'est le moment. Sèche tes larmes et prépare ta lame. Viens avec nous, mets-toi dans le coup, viens rallumer la flamme. Pour nous, c'est plus que du rap, c'est toute notre vie. C'est plus que des fans, c'est toute notre ville. C'est pas une question d'âge, pas une question de couleur, pas une question de race, de poids ou de physique. Mais c'est une question d'âme, c'est une question de douleur, c'est une question de foi, de rage et de musique. Et peut-être bien que Trump, c'est nous les cons, mais viens on va se lancer. Et puis si on n'aura pas changé le monde, au moins nous, on aura changé. Peut-être qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, qu'on n'est pas encore prêt. On est devant la grande porte, a-t-on choisi la bonne clé? Balance le beat, que je rappe, que je frappe, que je claque, que je monte, qu'on a la dalle, qu'on a la marre de ces types qui ne disent rien devant le mic. Nous prennent de haut, qui nous rabaissent, qui se moquent, qui nous manquent, qui changent de discours. Selon les produits qu'ils nous vendent, ils font du rap comme ils pourraient faire du sport. Moi je fais jamais de sport, car je passe mon temps à faire du rap. Je veux le vivre en crever au lit, m'a dit de viser très haut. Alors on a taffé et gratté pour des... Le vent tourne comme la roue, je ne tends plus la joue. Franchement, faut que je t'avoue, j'ai peur. Souvent les gens poussent à bout, je me sens plus jaloux. Y'a rien de plus tabou que le cœur. Traverser le miroir, je rêve de les rejoindre. Aide-nous à leur dire qu'on est faim, qu'on est plein, qu'ils peuvent nous craindre. Non, on n'a pas une tête de voyou, pas une vie de dur. Donc on fera pas rêver les petits bourges, un manque d'aventure. Décidément, j'ai du mal à me faire à l'idée que la fin déboule, faut que tu saches. J'entends des voix dans mon lit, c'est la nuit qui me disent Biggie, non, faut pas que tu lâches. Je donnerai de mon temps, de ma voix et des milliers, des lignes et des millions de phrases. Et puis je les entends qui débitent des conneries à longueur de temps. Ils ont pas passé là. Ils font semblant de pas nous entendre, semblant de pas nous voir. Mais les petits ont grandi dans le noir. On vient prendre le pouvoir depuis longtemps. On attend, chaque jour, on apprend. On veut rentrer dans la cour des grands. Monsieur Big Flo, la cour des grands. L'album arrive. La cour des grands, c'est ça. Et pour qui vous vous prenez? Vous n'avez encore rien fait. Attends rien un peu. Accompli. Et toi, Oli? Tu as quelque chose à leur dire? Le soleil va se lever, ici tout est plus calme. Dans mon cocon familial, loin des paillettes de la capitale. La même chambre d'enfant, sans rideau ni coulisses. Les posters nous observent et reflètent nos fous rires. Venez, on rappe la vraie vie et tout ce qui nous ressemble. Je vais le crier fort pour ceux qui sont partis, qui puissent aussi m'entendre. Fini de faire les cons, prenez ce son comme un attentat. On me dit assure un fait du bon, ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Des heures pour une photo, des lettres qui n'ont pas lu. J'étais comme un visiteur de musée qui parlait au statut. Fan de rap, devant la glace, j'ai chialé trop de textes. Donc venez débrancher mon micro si un jour je prends la grosse tête. Et j'y crois, comme un fou qui attend le retour de sa femme. J'ai pas le choix, on va le faire au moins pour les 2-3 fans. La chance, on va la prendre, tu vas entendre nos voix. Ceux qui n'ont pas donné de coup de pouce vont s'en mordre les doigts. Demain c'est nous, la barillotte qui peut la décrocher. Sur un tas de projets, on va tous les pocher. Avec ou sans trophée, la vie on va croquer. Ça fait trop longtemps qu'on veut le faire, car cet album serait la trace de notre passage sur terre. Il serait capable de nous vendre du silence. Une salle vide face à un grand pianiste, un zénith plein pour un rappeur qui ment. Les graines de stars se plantent, où le succès n'est qu'illusoire. Car même en haut de l'affiche, il faut redescendre pour la voir. On a besoin de vous, c'est le départ d'une nouvelle ère. La plupart de nos parents, on les fera entrefaire. On peut pas se planter, on aura jamais de plan B. Faut monter de potes, mais sinon on va se planter. Depuis tout petit, la musique nous suit, on a faim, tais-toi bien. On va chanter des règles, mais le son dans ton casque, ils entendent comme on rappe. Veillant notre rêve sur le bord de tes lèvres. À deux, on est plus fort, et avec vous, plus encore, on est paré. On va jeter un pavé dans l'eau qui dort depuis longtemps. On attend, chaque jour, on apprend. On va rentrer dans la cour des grands. Holy. La cour des grands, ça sort le 1er juin. Vous pouvez déjà le précommander. Si tu télécharges, t'es un bâtard. Total exclu, total exclu pour Skyrock. Un gros big up à tous les Toulousains qui soutiennent. Gros big up à tous. On se reverra. Big Flo et Oli. J'allais vous demander qui est le plus fort des deux, mais quand on voit la prestation... Mais mon frère va te dire moi, et moi je vais te dire mon frère. Donc, c'est ça, bien qu'on est à deux en plus, qu'on est frangins. C'est yes, ça. Grave. Esprit de famille avant tout. Gros live à l'instant, donc titre inédit, celui-ci c'est l'intro, c'est ce qu'il veut dire. Celui-là c'est l'intro, on voulait une intro, pas cliché, je vais pas dire cliché, mais une intro comme on en a fait avant, des grosses intros avec un truc un peu de film, qui envoie, on raconte un peu notre vie et ce qu'on a envie de faire plus tard quoi. Et on a essayé de mettre aussi de la technique un petit peu, c'est un morceau qui nous tient vraiment à cœur quoi. Il représente bien l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment quoi. Bon, est-ce que vous avez la pression? Est-ce qu'il y a une pression de sortir un album Ouais, on est plus pressé que stressé en fait. Non, on est chaud. ça fait longtemps qu'on le taffe, comme tu disais, depuis tout petit. On est en mode écriture, on est en mode rap partout. Bah, je sais, tiens, garde la preuve. C'était quand ça, Fab? Ah, ça m'a lâché quelque chose. Oli. Oh, oh non. Ah, j'avais dit les dossiers. Oh, le gros dossier. Ça c'était quand, 2008? Ouais, ce morceau-là, j'avais 8 ans, moi. 8 ans. Et Flo, il avait 11 ans, je crois. Oh, le dossier en live partout, quoi. Je pensais pas qu'il passerait sur Skyrock, je t'avoue, celui-là, quand je l'ai fait. Ce morceau s'appelle Château de Cartes, hein. Ouais. C'est moi, là. Chaque jour on tire sur des gosses martyrs. Ah ouais. Ouais, gros dossier. Allez, c'est bon, c'était un petit aperçu. Voilà. C'est fort le Fred, hein, je le savais, mais là il est allé chercher loin. Ah, j'ai une sacrée équipe, hein. J'ai mes deux Fab qui sont là. Il y a Steve qui est pas loin, il y a Lilou qu'on salue aussi, et Momo. Ils savent qu'ils ont lâché un dossier, ils le savent, ils nous regardent. Et les images sont dispo, on va les mettre évidemment sur le planète.skyrock.com, hein, Momo. On va mettre la vidéo au dossier, évidemment. Est-ce que vous avez choisi les mots? Non, on va les choisir vite fait. Alors, avant la pub. On a déjà hippopotame et péripatéticienne. Ah, je voulais garder celui-ci? Ouais, on l'a gardé. D'accord. Donc, continuez, envoyez-nous vos mots là sur hashtag BigFloHoli, s'il vous plaît. Il y avait Baston tout à l'heure. Baston. Baston, c'est le truc. Bon, il y avait Toulouse aussi. Toulouse. Ouais. Bien sûr. Non, c'est trop simple. Trop simple, Toulouse. Toulouse, on peut le mettre. Tiens, vas-y, remonte, Fab. Il y a plein de. Il les a envoyés en début d'émission. Ouais. C'est ça la galère. Ah, allez-y, ouais. En même temps, on les a sortis aussi, si vous envoyez. Il y a plein de mots là. Il y a des mots bizarres. Attends, je fais un petit tri là. Je censure un peu. Il y a pique assiette, je le trouve drôle. Ah, pique assiette. Parfait. Donc, alors, attends, péripatéticienne, hippopotame. Pique assiette. Baston. À Toulouse, vous le gardez aussi? Ouais, on le garde. Allez, Toulouse, Baston, donc on est à 5. Ouais. Pour l'instant, on est à 5. Il en faut 5 autres. Il y a Xylophone. Les mecs sont chauds. Xylophone, c'est pas mal. Il y a trou de balle, mais je pense qu'on va pas le mettre celui-là. Il y a YouTube, ça te va? C'est un mot qui vient d'arriver. Ce que tu veux, vas-y, balance. YouTube, Xylophone. Ça va être galère, ça. Il y a Poney, je trouve drôle. Poney, c'est très bien. C'est très, très, très, très animal, en fait, ce freestyle. Poney. Il y a un mec Deltaplane. Deltaplane. Vandal qui envoie ça. Et on finit par le mot dollar que je trouve. Dollar. Intéressant à travailler. Parfait. Et vous êtes aussi entêté. On me l'annonce à l'instant. C'est vrai. Avec le hashtag. Les mecs sont trop chauds maintenant. Et Oli sur Skyrock. Merci. Balancez vos messages. Donc on là, continue. Donc là, vous avez grosso modo, attends, la pub, un petit morceau, 7 minutes. Allez, on est chaud. Okay. Pour faire, vous êtes prêts à l'écrire? On est très chaud, on est chaud. Eh ben, allez-y, vous pouvez voir d'ailleurs, on va laisser les images, Momo, pour montrer qu'il bosse durement d'ailleurs pendant la pub. Vous allez nous voir bouger la tête et bouger les bras comme ça, comme des fous. Vous, on peut les rappeler les 10 mots ou pas? Ouais, non. Ça va être baston, hippopotame, Toulouse, péripatéticienne, picassiette, YouTube, xylophone, poney et dollar pour finir. Ah bah et Deltaplane. Et Deltaplane. Voilà, c'est bon, le compte est bon. Pour que, ouais, il a essayé de le squeezer le, pour moi. Le compte est bon, on peut y aller. Allez, on balance la pub, on revient. Il y aura peut-être aussi un petit. Tiens, on mettra un petit Jason Derulo juste après la pub. Yes. Le temps de bien vous concentrer, on attaquera aussi le freestyle. Okay. Et Wawad qui est la champion de France, s'il vous plaît, ouais, avec vous allez nous. Voir, vous allez voir, vous allez voir. Beatbox, toi justement un petit mot quand même aussi sur cette discipline importante du hip-hop qui est le beatbox. Le beatbox, ouais. Toi, ça arrivait à quel moment? C'est quoi? En écoutant aussi les morceaux de rap? C'est... Non, moi c'est depuis tout petit, je faisais des bruits avec la bouche. Mais je savais pas que ça existait en fait. Ouais. Et c'est plus tard, j'ai vu Eclipse un matin sur M6, Morning Live. Est-ce que Wawad, tu pourrais nous faire un petit jingle Big Flo Oli sur Skyrock Planet Rap? Ce serait chaud. Big Flo Oli sur Skyrock. Oh, le mec est chaud. Le mec est très fort. Le mec est très fort. Et c'est rien encore. Yes. Ok, on est parti pour le freestyle, on est chaud. Et ben, ne bougez pas, on revient dans un instant. Big Flo, Oli, nos invités toute la semaine. Jason Derulo à l'instant sur Skyrock et le Planet Rap avec Big Flo et Oli. On en est où, messieurs? On vous a vu bosser. Yes. Durement. Nous, on a fini pour faire chauffer un peu, on va faire Wawad, une petite démo de Wawad. Je vais gratter un peu de temps. Dans un instant. Ah, mais c'est, sinon, vous avez avancé, ça y est. Il me manque 2 mots à placer, moi, encore. Ah, ok. Rappelez-nous les 10 mots qui ont été choisis, les mots envoyés par les auditeurs de Skyrock. Hippopotame, baston, Toulouse. Picassiette, Toulouse, xylophone, poney, dollar, YouTube, péripatéticienne et Deltaplane. Alors, lequel est le plus dur à placer pour l'instant? Péripatéticienne, ouais, moi aussi, pareil. Désolé, maman. Pourtant, vous. Quoi, désolé. Maman, ne vous inquiétez pas, je. Elle va m'en vouloir si je mets ce mot-là dans le texte. Ah, ne vous inquiétez pas, je comprends. En plus, vous êtes jeune, c'est normal. J'ai eu peur, mon gars. Commencez pas, les gars. Mais vous savez qu'ici, à 2 minutes, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Tu nous feras visiter. On connaît pas Paris, tu nous feras visiter. Mais je vais vous faire visiter. Elle va nous faire visiter Paris. Bah ouais, non, mais au moins. Vous allez savoir de quoi vous parlez. Cette semaine, entre 20 et 21, on est avec Big Flo et Oli. On découvre un projet un mois et demi avant la sortie. C'est le premier jour de la sortie. Ouais. Dans la cour des grands, il y aura des exclus. On mettra pas tout l'album, évidemment, hein, parce qu'il faut garder un petit peu de surprise. L'album est déjà dispo en précommande si vous voulez le choper. Ouais. Et avec des morceaux en plus. À chaque fois qu'on précommande, on a des morceaux. Ouais, en fait, dès que vous précommandez, là, vous recevez 4 titres directement. Et l'album, il est moins cher en plus. Il y a un prix en ce moment. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est le prix d'un kebab, il n'y a plus d'excuses maintenant. Ouais, c'est le prix d'un menu McDo. Voilà. Notre album sur lequel on a travaillé avec ça coûte 8€ et avec ça vous pouvez prendre le menu Big Mac, je crois, c'est tout, hein. même pas les Chicago et tout, hein. Et après vous êtes pas bien, tandis que là vous allez être bien en écoutant l'album. Voilà, c'est ça. Et ça va durer. Ça va durer. Allez-y, balancez vos messages, le hashtag Big Flo et Oli sur Skyrock. Freestyle par téléphone aussi, on est avec qui? Merci à tous pour vos messages, hein. Ah, pas maintenant le freestyle par téléphone. Non. Ils sont pas prêts. Il y a pas du finir le texte. On est déjà entêté, ça c'est un truc de ouf. Merci à tous, hein, vraiment, ça fait plaisir. Donc il y aura du live dans quelques minutes. Oui. Est-ce qu'on fait la démo alors de Wawad tout de suite? Comme vous voulez, les gars. Si Wawad est chaud, faut le programmer, ouais, c'est bon. Est-ce que t'es chaud, Wawad? Ça va, toujours moi. On peut couper la musique en fond. Il est chaud. Wawad, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je te programme un petit peu. Attention, le beatbox. Rien n'est enregistré, hein. Non. Lonely, I'm so lonely. Du bruit pour Wawad. Wawad. Et c'est vrai que tout est fait là en direct. Je rappelle pour les gens qui arrivent, qui débarquent, on n'a pas envoyé une bande son, rien ou quoi que ce soit. En fait, c'est un super pote quand t'es avec lui toute la journée. Je te jure, ça prend la tête. Pas de radio. Toute la journée, il fait bruit. Ouais, souvent en concert, les gens ils disent ouais, mais attendez, il y avait un son nom derrière en plus de lui. Et non, c'était que lui. Tout un live. Et donc la champion de France, ouais. C'est ça. Dans un mois, championnat du monde. C'est ça, ouais. Qui vont se dérouler où ? C'est à Berlin. À Berlin, ouais. Voilà, le 29 mai. Si j'espère vous, tout casser. Si vous voulez voir, il fait des vidéos très drôles sur Vine et sur Facebook aussi. Ouais. Vous tapez Wawad et vous allez voir, il fait même de la flûte avec son nez. Et du beatbox en même temps. Pour c'est l'inventeur spécial de la flûte. La flûte avec son nez. Comment on fait de la flûte avec le nez? Tu souffles avec le nez. Il faut aller voir sur le Facebook. En même temps, il beatbox. En même temps, il fait du beatbox. Hein. C'est ouais, j'ai lancé un petit concept. WAWAD. Il n'y avait pas trop d'amis, je crois, petit. Il prenait la flûte. Et t'as un projet? Il y a des choses qui sortent aussi pour toi? Là, pour l'instant, je suis à fond championnat du monde. Championnat du monde, à pas mal de scènes avec Big Flo Oli, j'ai aussi un groupe Fabulous Wadness, on est champion de France en équipe aussi, avec qui on tourne pas mal. C'est le meilleur de France, il n'y a pas photo. Bon, ramenez-nous la Coupe du Monde, les gars. Yes. Et gros big up d'ailleurs à tous les beatboxers français, chez qui m'écoutent, donc gros big up à vous, la famille. Yes. Wawad, il s'appelle Wawad. Allez cliquer, allez donc voir et découvrir les vidéos ainsi que celles de Big Flo et Oli. Yes. Et là, on accueille donc le freestyle par téléphone, c'est Adjam de Rodez. Salut Adjam. Salut. Et ben, on est Midi-Pyrénées là, hein. Ça va Adjam en pleine forme? Ça va en pleine forme, ouais. Tu connais Big Flo et Oli? Oui, bien sûr, on a eu l'occasion de faire la première partie, donc ouais. C'est vrai, c'était où? À Honnay-le-Château, au Krill. Ah oui, mais ça me dit quelque chose. Bon souvenir, mec. Putain, big up, les gars. Sache que nous, on appelait aussi pour faire les freestyles par téléphone, on en a fait plusieurs. C'est vrai. Donc, kick, grave, on est chaud, on t'écoute. Ok. Allez, Adjam, c'est parti, session freestyle par téléphone. Ok, merci. Yo, Adjam. Ok. Mais j'ai qui pop, tu es divine, devine, de zinarine, je la peaufine, telle une machine, j'élimine la mine, illumine la routine. Une culture qui vaccine les victimes, je débarque sur le beat, avec de l'ambiance dans les veines, pour balancer, balancer, un flot de dingue, sculpté au millimètre, trois pas, je me prends le mètre, car dans le rap, y'a de la vraie valeur, comme le respect, de la bonne humeur, de la solidarité, et mille et une couleurs, on est là tous ensemble pour le même délire, car sous la lumière de la lune, j'ai posé des dunes de rimes, parce que je me trouvais dans la brume, on pose nos voix sur des prods, on rôde pas l'instru. Car en avant dans le sens qui m'est destiné, rassuré mes textes, les prods gentils m'ont dessiné. Le son, mes élevés sans jamais m'arrêter. Je reste fidèle à ce que je suis, et ça pour toute l'éternité. Me tester, non, viens pas jouer, stop. Du rap, tu n'en es pas. Ya, yeah. Adjam, ok. Adjam à l'instant, freestyle par téléphone. Bravo Adjam. Merci. Et bah écoute, on te souhaite le même parcours, hein, Big Flo Oli. C'est vrai qu'ils ont fait des freestyles par téléphone dans l'émission. Ouais, on a pas nous. D'ailleurs, si tu veux dire ton Facebook et tout, je sais que je rêvais à chaque fois de le dire. Eh bah, Adjam, vas-y, ouais, balance les adresses. Le Facebook, c'est Adjam, en majuscule, A-D-J-A-M. Et notre site, c'est Adjam sur Infogroup. Et voilà. Mortel, t'as l'accent du Sud en plus. Ah, Midi Pyrénées Rodez. Voilà, merci à toi, Adjam. Faut faire une dédicace? Ouais, vas-y. Une dédicace à Lazac, à mon poteau de musique. À DJ Aizna et toute l'association Unisson. On est là et on représente l'Aveyron bien comme il faut. Et big up à Big Flo et Oli. Merci à toi, Adjam. Je t'ai mis un petit j'aime sur ta page Facebook. Ah, déjà, t'as été. Mais le mec, le geek, le. Oh non, bouge pas. Il a quatre bras, merci. Il boit, il tweet en même temps, il Snapchat, c'est trop. Et bah, à bientôt, Adjam. À bientôt, merci. Ciao, passe une bonne soirée. Allez, on vous laisse finaliser le freestyle pour bien le faire avec les 10 mots proposés par les auditeurs. On attend de mettre un morceau du projet ou un morceau qui était déjà sorti? C'est un morceau qui est sorti il y a un an et on fête les 3 millions de vues. On a fait 3 millions de vues hier dans la nuit. Un peu de bruit pour 3 millions de vues. Ça fait plaisir. Voilà, donc c'est notre record de vues et il s'appelle Gangsta, voilà. Et ben on y va maintenant, c'est parti. Yep. Et après, freestyle avec Big Flo et Oli. J'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de cheat, j'ai pas de coke ni d'héro. J'ai pas de crew, j'traîne pas, faut que j'brosse mon interro. En soirée, mes potes se la jouent bière et vodka. Et Big Flo, c'est moi un grand verre de coca. Et si tu me files un flingue, j'vais même pas m'en servir. J'fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pleuré devant un film, Oli Mélancolie. Moi j'suis allé en prison, mais qu'au Monopoly. J'avoue, je parle devant leurs clips, leurs bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas le temps pour le sport, moi c'est le rap d'abord. Et dans mon clip, tu verras qu'un là. J'adore et je gratte dans le métro. métro, pas la taille d'un héros. Couché tard, le veto en freestyle sous le préau. Si je fais 10 pompes, je frôle le malaise. Mais le sourire aux lèvres, je vais terminer mon 16. Et je suis pas, et je suis pas, et je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. Je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. Freestyle sous le préau. Freestyle sous le préau. Freestyle sous le préau. Dans mes classiques, je les connais. Dis-moi pourquoi t'es étonné. Je me réveille tranquille, normal, c'est samedi. Le soleil déjà levé, normal, c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel Pops. À peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Désert avec les amis, s'il vous plaît aidez-moi. Ouais, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi je connais par cœur les casques de Bryce de Nice. Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price. C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire. C'est moi le grand, mais on prend pour le petit frère. Je suis pas un gangsta, pas de flingue de ganja. Lève ta main si t'aimes ça. Toi, tu veux que je boive, que je baisse, que je fume. Mais ferme ta gueule et passe le chouette, ça grume. J'ai pas la vie de rêve, je suis pas un type à l'aise. Mais le sourire aux lèvres, je viens terminer mon 16. Et je suis pas, et je suis pas, et je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. Je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. Mes classiques, je les connais. Dis-moi pourquoi t'es étonné. Bienvenue dans mon quartier, attention les yeux. Y'a beaucoup de morts parce qu'il y a beaucoup de vieux. J'suis pas un gangsta, ouais j'suis fou de l'admettre. Ils parlent tous de flingue mais ne tire jamais. Pourtant j'fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique. Mec mes dégis, j'ai le bingo, que des volingues, ouais vite le bingo. Mat mon nez qui s'affoule les boules, ouais ça les dégoûte. Tout canon, des boules comme des boules dans la forme. Mais mon pote, ils écoutent, toi tu restes à l'écoute. On se sert, les fous, nos vrais, on est fous. Et Oli avec yep. Gangsta à l'instant. On le retrouvera aussi sur l'album celui-ci. Ouais, on l'a mis en bonus pour tous les gens qui soutenaient depuis ce morceau-là. Ça fait plaisir. Parce que c'est un morceau voilà, qui nous a bien aidé, qui a fait, comme on te dit, beaucoup de vues sur le net. Donc voilà, on l'a mis en hommage. Quoi. Ouais. Ça sort le 1er juin l'album. Sinon, il y a toujours le EP qu'on peut trouver. On peut cliquer aussi et précommander l'album. Donc n'hésitez pas. Ouais, voilà, c'est ça. Précommandez tout l'album et continuez à tweeter avec le hashtag BigFlowOli sur Skyrock. En fait, on a un petit écran. On explique ceux qui un peu. On ne voit pas sur Skyrock FM et on voit tous vos messages et ça fait ça en rouge. Et ça n'arrête pas. Et pour ça vous devez utiliser l'hashtag, sinon on ne vous voit pas en fait. Ouais, ouais, t'as un petit message. Ouais, ouais, mon prof de beatbox à Saint-Lys. Oui, ouais, ouais, des profs de beatbox. Faut aussi, dire donc aussi. Voilà, prof de beatbox. Professeur. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Rappelons-nous les 10 mots qui étaient proposés. Vas-y, Oli, je te laisse les rappeler. Okay, alors, il y a hippopotame. Ensuite, il y a baston. Pique assiette. Toulouse. Xylophone. Poney. Waouh, j'en ai oublié. Poney, dollar, péripatéticienne, YouTube, Deltaplane. Et Deltaplane. T'as oublié des mots? Non, c'est bon, on est à 10, j'ai compté, on okay, est à 10. Non, non, on est bien. J'ai oublié, j'ai une mémoire dramatique. Une mémoire d'hippopotame. Allez, c'est parti maintenant. Pas mal, pas mal. Une mémoire d'hippopotame. Tout le monde est prêt, les gars? Vas-y, balance le beat. Attention, ils l'ont écrit en même pas 20 minutes. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, yo, c'est Biggie, Biggie, Biggie, Biggie Flow. Faites du bruit. Ok. J'ai beau chercher, je trouve pas de hip-hop potable. Mon flow est lourd comme un hippopotame. Je kick grave mon pote, je rappe et je claque à fond. Tu t'es pris des baffes et des baffes, on n'a même pas fait de baston. J'écris et je gratte grave, toi tu piques ta assiette. Je suis pilon de monde. Ok, ok, pardon. T'es qu'un pique assiette, mon pote. J'écris et je gratte grave, toi tu piques ta sieste. Je suis pilon de. Putain, merde. T'es qu'un pique assiette, mon pote. J'écris et je gratte grave, toi tu piques ta assiette. Je suis le pique. Casson des temps modernes, toi t'es qu'un pique assiette. Mon pote, pourquoi tu l'ouvres? Tu me saoules, moi je me bouge. Toi tu loses, tu es bois rouge avec les deux boucles de Toulouse. Je suis pas un canon de beauté. percer, donc j'intéresse personne. J'suis tellement maigre, mes côtes c'est un xylophone. Mais laisse-les parler, les deux secours on le connaît. Tu parles de Lamborghini, moi j'suis posé sur mon poney. Tu penses qu'à mon rap, ouais, c'est vrai que j'suis un connard. Pendant ce temps dans la rue, les types se tuent pour des dollars. Ne les crois pas si ils te disent que tu seras qu'esthéticienne. C'est pathétique de traiter les filles de péripatéticienne. Accroche-toi mon frère, c'est pour toi la vie est rude. J'ai pas besoin de lunettes mon pote, je fais déjà trop de vues sur YouTube. J'ai pris le melon, non, t'inquiète pas, jamais je crame. Je clique, je te crame et je me barre sur mon delta plane. Tu le MC rapide, moi j'écris des freestyle à tâtons. Ce mot tu l'as pas vu venir comme une grosse claque en baston. Ici on rappe, on gratte, on chante, pourquoi tu l'ouvres? Notre ville est rose mais on rappe lourd. Ouais ouais, moi je viens de Toulouse. Ici on est motivé, on bouge pour mille. Au zoo tu joues l'hippopotame mais t'es qu'une fourmi. Chaud comme jamais, au bon hip hop je reste abonné. À cheval sur mon flow, je fais passer ton pur sang pour un poney. Tu bouges la tête dans ta caisse, ouais on kick trop fort. Au conservatoire je kickais mes pecs sur du xylophone. Petit j'étais fan de rap, un soir j'ai cramé 10 cassettes. Mets les pieds dans le plat, je te coupe au couteau, toi t'es qu'un pic assiette. Ils ont des trous noirs au micro, y'a que des rimes ratées qui viennent. J'ai commencé sur le trottoir comme une péripatéticienne. Classique, je veux le dollar au Rolling Stone, au YouTube. Fredo, t'as trouvé des gros dossiers très drôles sur YouTube. Bande des geeks, je vois que ça tweet, petit coupe l'écran. Je suis passé de la cour de récré à la cour des grands. Je vois les potes derrière qui me disent Oli, j'aime ta phrase. Je suis parti d'en bas, je vis le ciel, appelle-moi MC Delta Plane. Oh! On a bien rigolé. Voilà, avec les 10 mots que vous avez proposés, pff, terrible les gars. Il y a même eu des erreurs tellement, c'était frais. Je suis désolé, Olivier est gagnant sur ce coup, je suis vraiment désolé. Ouais, j'ai gagné. Ah, merci. Bah, je crois que vous êtes tous les deux gagnants parce que c'était. Attends, l'écrire en 20 minutes avec les mots. Bravo à vous une fois de plus. On continue en live maintenant? Ouais, on est chaud, on s'arrête pas. On a sorti un petit freestyle il y a quelques temps sur internet qui s'appelle Le rap avant la tempête. En fait, on a fait un délire, on a rappé sur OKLM de Booba. Et voilà, on va le refaire ici. Voilà, on va le refaire vu qu'on est chaud, etc. Ouais. T'es chaud, t'es prêt, Oli? Je suis grave chaud. Eh bah, c'est parti. On continue live. Est-ce qu'il y a du monde venu de Toulouse dans ces studios? Yeah. La cour des grands, mon pote, le 1er juin. Yeah. 31 easy. Yeah. Nous on débite des rimes de barge, il ne faut que de la pop ou bien du raga dance soul. Au cas où tu nous connaîtrais pas, mon frère à mes côtés, mon nom à moi c'est Big Flo. Ouais, moi c'est Big Flo. Faut que j'en cache un nitro, les petits stro racontent des mythos, différents de niveau au micro. Retourne au bistrot, drague des michetos. Ouais. Trap, ce jour d'eau ça m'a trop saoulé. Toi, c'est ce que tu veux écouter. Blague, vas-y continue de ricaner. Et rap, ça ne sait rien de parler. Tous les rappeurs rappent toujours pareil. Ouais. Leur équipe ont l'air bien dépareillée. L'album arrive, prépare tes oreilles. Les autres MC, préparez vos oreilles. J'ai des rimes de malade qui tabassent, qui t'arrachent les têtes, qu'une parade n'est possible pour mon flow. Et sur le beat, je me balade, je vois que t'as mal, j'ai pas d'état d'âme, viens pas de Paname. Donc on est plus chaud, ouais. Mais qui fait des rimes à la vitesse d'un go-faz. Tu peux monter le son dans la putain de go-va. Faut pas les écouter, ouais, ce n'est que des bobards. Je vais arrêter le rap et je vais faire les beaux-arts. Il est fou ce type, il est fou. Tu penses faire mieux? Alors fais mieux. Si moi et mon frère on sépare, j'aurai enfin un concurrent sérieux. Sérieux, c'est ça que t'appelles faire du rap, frère? Aucun de ces rappeurs ne sont des types respectables. Ils ne font que de la merde ou bien se donnent un spectacle. T'as sorti ton gun en plastique, boum. C'est bien essayé, Mickey, tu vas effrayer. La plupart de nos mères ont plus de couilles que nos rappeurs préférés. Bisous, maman. Ça se clash, mais ça se tape jamais. Personne se fait plomber. Je croyais que vous étiez des bonhommes. Peut-être que je me suis trompé. Ouais, vous n'êtes que des mini moys. Je représente la ville rose. C'est chiffres sont des débiles, des victimes qui évitent de se fatiguer. Leur équipe sont des fosses. Apparemment, c'est des boss. Nous, on sait que des gosses. Mais viens, prends le pouvoir. Je vais acheter une canne aux connards de Paris qui vont semblant de pas nous voir. J'ai pas la tête du beau gosse, on dit que je suis beau. Les faits qui se respectent sont aussi rares que des dodo. Oh oui, je suis loco, je prends jamais de coco. J'ai deux, trois têtes de MC enfermés dans des bocaux. Donc voilà le topo, amigo, je calais les droits, je t'ai biscotto au moment. Ma vie c'est un loto, Biggie sur le logo. Oui, je te laisse les pogos, ça clash sur les nets, ensuite on demande des photos. Parlez-nous un peu d'amour, vous nous parlez que de chat et de teub. Ma sœur, sache que les filles les plus classes ne sortent pas dans leur club. Pinocchio a encore menti, il a signé des chèques en bois. Ceux qui sont au VIP sont souvent au Pôle emploi. Mais pourquoi tu rappes comme ça? On dirait que t'as des problèmes de respiration. Moi je me balade sur le beat, je n'ai pas de limite pour la parole, de pour l'action. C'est vrai, j'ai un peu peur d'eux. Moi je suis pas taillé pour le combat. Un esprit de sage dans un corps de lâche. Au pire, je les plante avec mon bras. On va encore dire que je suis un moralisateur. Je suis pas mieux que les autres, que je suis qu'un acteur. 2015, on a besoin de vous. Ils vous donnent de la haine, on vous donne de l'amour. En vous donnant de l'amour, la cour des grands le 1er juin. Précommandez-le, les potos, précommandez ça. Aïe. Yeah. Ils nous parlent de blocs, de glocks, de codéine. Font l'apologie de la violence et de la cocaïne. Le budget de leur clip, une voiture de lock, une pauvre fille en string, une boîte de protéines. Alors les journalistes intello nous prennent pour des guignols. Petit reine a plus de valeur qu'un diplôme. Quand tu feras des fautes d'orthographe sur ton tatouage, tu regretteras d'avoir quitté l'école. Non mais les gars, sans déconner, faut être honnête. Le cœur de la musique ici n'a plus de battement. J'ai jamais voulu être le premier. J'aurais plein de regrets et trop honte de faire partie de ton classement. Je m'en fous d'avoir un flingue. Je me suis jamais battu. Mes potes dans la rue deviennent dingues. Un père qui pleure le soir au parloir. Est-ce que c'est vraiment ça la belle vie de zinc? Nos mères nettoient les bureaux des ministres. Et nous, on pense qu'on baise l'État. Je te jure, ce putain de monde est sinistre. Même Atlas a baissé les bras. Toi, un artiste engagé, mon cul. Marre de leur blabla à la radio. Tu manges bio? Bien vu, mais pour te voir en concert, c'est plus de 50 euros. Tous des magots, même à gauche, le magot dans la poche. C'est raclou, veulent la Porsche, c'est nos douleurs. Ils font des sous avec de la merde. Mais ils gagnent bien plus que nos potes éboueurs. On me dit l'industrie, c'est chiant. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Tu chantes aussi mal avec de l'autotune. J'ose même pas imaginer sans. T'es une star, t'as la grosse tête. Je vais te la dégonfler sous les selles. Ils se prennent tous pour les boss de Paris. Je vais les renvoyer vendre des petits tours Eiffel. Je ricoche sur le beat, offre une doliprane à tes proches. Le bon rap est une minorité comme la bandage. Écoute ça. Ça va vite, élevé dans mes dingues, mais de l'inno, ils sont dominés par le domino. Abominable, les abdominaux, ça va que dalle. Face au micro, j'écrase. T'as libido d'abdominable. Si tu capes les messages, j'oublie mes noms. Sache qu'ici on est facile, on panne MC. On faisait des métiers, on te calme, illico. Ils parlent de shit et de la taille de l'or. C'est triste, je sais même plus quoi penser. Tes textes sont pauvres, minables. Heureusement que ta mère comprend pas le français. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis français argentin, même Harbi, moi. Oui, j'ai une tête bizarre, fils d'immigré, ça se voit sur mon visage. Et j'ai des clones imbattables que j'entraîne dans ma cave. La même face que moi, comme la glace de miroir en 2015. Je suis en concert dans 25 villes différentes. Le même soir, on fait que des collés. Les rageux sont affolés. Les menteurs, on les connaît. Je veux jouer les taureaux. Je joue pas les idiots, mon flow est une épée, t'es un ciseau. J'ai une équipe de pages un peu schizo. Les mignons venaient pas de parler de physio. J'ai une équipe de pages un peu schizo. Ils racontent des mythos. Ils insultent les femmes pour se sentir hommes. Ça fait pitié et de la peine. Si je coupe la tête du roi, c'est pour l'enfiler sur la mienne. Bon, qui monte le son, vu qu'ils nous prennent pour les amateurs. Ça respire et débiter pour leur montrer qu'ils sont les rabbins. Ça écoute et t'es dégoûté. J'ai même pas l'âge de ta sœur à bobinet. Tu respires, j'ai mon flow comme un coup de tasse. Je pourrais contenir des armes. L'ambition d'un cœur est ton rap périmé. Nous contamine ça dans la cœur. Nous on fait ça pour la foule avec le cœur. J'ai peur de m'écrouler un jour. Noé dans le blues, dans tous mes peurs, la plupart des types. C'est bon. Cet enfant est fou. Celui-là, il était un peu vénère, Fred, mais on était obligé de commencer énervé en à début fond de semaine. Dès lundi. Parfait, bravo, très bon début de semaine avec Big Flo et Oli. Merci beaucoup. Du lourd, les gars. Attends, vous avez mis la barre haute, hein. Je vous dis ça demain, après-demain. Demain, jusqu'à vendredi. Si vous êtes là demain, on fait une soirée spéciale Sud et on ramène Dadou et John Chua qui sont là de retour. Ça fait plaisir de retrouver Dadou et KDD. Il y aura aussi Monsieur Billy Bat, il y aura 7 et match. Mm-hmm. Et le frangin, un autre frangin d'ailleurs. Le frangin de Dadou, la frangin de Camara. Et 7 et match et demi-portion aussi, le poteau. Ouais, voilà. Et des gommes aussi qui sera là. Des gommes, qui va très très vite aussi. Ça va être un gros freestyle demain. C'est apéro pendant le freestyle dans le Sud là. Est-ce que vous savez que Billy Bat lui aussi était passé en freestyle dans Planète Rap? Ah ouais? Et qu'il était parti à New York. Ah oui, il avait gagné un concours. Ah oui, c'était, j'avais raconté ça. Mmh. Mais il nous en parlera demain. On en parlera demain. Ouais. Avec cette soirée du Sud à pas louper. Et demain, je demande de la TT aussi, les gars, en tant que geek de l'équipe. Ça fait très bizarre. Je veux de la TT, mon frère. Ouais, c'est... Mon frère revient, c'est 8 ans. Voilà, sur Skyrock, attends, c'est t'inquiète pas, on va y aller tous les deux. J'ai là. Ok, d'accord. En bas. Il t'a parlé tout à l'heure, il va te faire visiter. Il t'a dit. Toi, t'es un peu trop jeune, 19 ans. Je prends le grand. Si vous écoutez cette émission que vous connaissiez pas, Big Flo et Oli, ou que vous venez de découvrir, n'hésitez pas à venir sur notre Facebook. On est déjà 127 000. Alors venez mettre un petit j'aime. 127 001 avec toi qui t'écoute. Voilà, c'est ça. Et Twitter aussi, on vous attend sur tous les réseaux sociaux. Allez cliquer Big Flo et Oli, ils sont là tous les soirs de la semaine. Il est fou ce type. Entre 20h et 21h dans Planète Rap. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Yes. Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. Coralie de Quimper, ça va bien Coralie? Ça va bien. Tu connaissais Big Flo et Oli? Oui. Eh ben voilà, ils sont là. Salut. Super, salut. Salut Coralie. Non, on te connaissait pas, mais on te connaît maintenant. Salut Coralie. Vous avez pas été à Quimper encore? Vous avez pas fait de concert à Quimper? Non, pas encore. Bientôt, on espère. Eh ben... D'ailleurs, pour les concerts, Fred, je peux me placer un petit mot ou pas? Attends, c'est quoi? On va faire tourner la roue. Ouais, ok, on en parle après. Justement, j'avais oublié d'en parler. Le geek commence à me chauffer. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Bonne chance. Coralie, dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Coralie, plutôt rap français, plutôt rap R&B US, t'as envie de quoi? R&B US. Eh ben, on t'envoie une dizaine d'albums. Oula, wow. Il y a des filles. Eh bien, tu n'es pas toute seule, Coralie. Eh ben, vous allez pouvoir vous ambiancer avec le son qui arrive bientôt à la maison, c'est pour toi. Super, merci beaucoup. Je passe une dédicace. Vas-y, Coralie. Alors dédicace à Cindy, Laura, Justine, Thomas et Anne, à mon petit copain Titouan, et un joyeux anniversaire à ma maman pour ses 48 ans. Ah, bon anniversaire maman. Bon anniversaire maman. Bon anniversaire. Ils sont tous pétés à la maison. C'était ça bien, c'était ça bien. Moi ouais, je crois que c'est bien parti hein. Et ben on embrasse maman et on t'embrasse aussi Coralie, bise. Bisous, bisous, merci. Ciao, ciao, passe une bonne soirée, merci les gars. Bah, merci à toi, super merci content. Merci à Wawad qui était là, donc yes. Champion de France, on le rappelle, on te souhaite bonne chance le 29 mai, championnat 29 du monde. Il sera là toute la semaine pour soutenir et ouais, on est très chaud, on est hyper content d'être ici. On te retrouvera dans la semaine. Ouais, dans la semaine, tu nous feras des petits jingles, des petits. Voilà, c'est ça. Que tu veux, gros. Et je propose aussi que d'ailleurs cette semaine, puisque vous aimez aussi un petit peu la compétition. Oui. Et comme toi, tu continues à jouer un peu de la trompette ou pas? Ouais, j'en fais. Tu sais qu'à Skyrock, on a un trompettiste qui a été numéro 1. Numéro 1 de la trompette. Fred Mer. Ah oui, on a pas senti venir Fredo. On m'en a parlé au conservatoire, il a même sorti un livre, je crois. Ah, au conservatoire, mais c'est un livre, ça m'étonnerait. Un CD. Oui, il a fait un CD. Il a fait un CD des plus grands tubes de trompette. On peut faire un battle de trompette. Bah, si t'en as une, vas-y quand tu veux. Je l'ai, je l'amène demain. Dans la semaine, vas-y, pas de problème. Donc je présente Romano, Diffoul, il y a Marie que j'ai entendu, Samy qui doit pas être loin. Oui, on est là. Karine qui est aussi, c'est l'équipe de la Radio Libre. Salut tout le monde. Salut les gars. Et demain, battle de trompette. Je te jure, je rigole ou dans pas. La semaine, ou dans la semaine. Ouais, dans la semaine, dans la semaine. Je l'amène, je l'amène. Attention, Romano, on va l'amener demain. Ouais, ouais, mais pas de soucis. Hein. Romano, t'es prêt à gagner. Non, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas joué, mais bon, ça. Ça mais nous fout pas la honte. Hein. Non, mais t'inquiète, ça revient vite. Bon, alors peut-être dans la semaine. En première ère. Comme ça, entraîne-toi demain, après-demain. Et d'ici la fin de semaine, gros clash de trompettistes. Pas de problème. Ça, c'est bien, c'est nouveau. Ça va être beau, ça, tiens. Oh putain. C'est une bonne idée, on verra. Non, je sais pas, mais bon. Eh ben c'est pour le Planète Rap de cette semaine à pas louper. Ben on vous retrouve demain les gars alors. Hein. Yes, à demain. Et ben, merci à vous. Donc on prépare les trompettes, on prépare tout ça. Très bien. Ah la totale. Ouais. Très bonne idée Fredo. Ah oh, bah je suis jamais venu comme ça. Encore une idée géniale. C'est ça le talent. Vous avez de la chance d'être avec Fred toute la semaine. Hein. Ouais. Jusqu'à vendredi à pas louper sur Skyrock demain soir. Bien d'eux. Le rendez-vous. Ben oui. Nous on est là, c'est parti. On va démarrer avec Rihanna avec Beach Better Have My Money. Le son de Rihanna pour le reste ce soir. Oui, j'ai vu un peu. C'est ça, un petit week-end à New York. Vraiment à la Bronx. À l'américaine. Beach Better Have My Money. C'est la même. Même chose. Non, mieux même d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah, tu trouves? Ouais. Un petit accent des barbanes, hein, Rihanna. Rihanna, on va la retrouver dans un instant sur Skyrock. Et puis, bah, vous tous en direct. Il est 20h53. Petit peu de pub, mais rapide. Ça va être très vite. Et puis, on se retrouve juste derrière. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Hein, 01 53 40 30 20 si vous voulez passer en direct dans l'émission. C'est en direct, même pendant les vacances. Profitez. Bon courage à ceux qui sont pas encore en vacances. Rassurez-vous, ça va arriver. Et puis, il y a plein de ponts qui arrivent là, le mois de mai. C'est ça? Ouais, ouais. Ça, c'est très bien. Ça. Ah, Fredo, c'est bien ça. Ça, c'est sympa le mois de mai. On pourra se faire bronzer, Fred. Hein. Bon, bah, demain soir, le retour. Et là, la radio libre avec Rihanna. Tout de suite, elle arrive sur Sky. À toutes. À toutes. Ciao, Fredo, ciao. Bisous.